إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Comme vous l'avez entendu, le titre de cette intervention et certains exemples de polythéisme répandu dans notre société. Et il n'y a pas de doute que ce sujet est d'une grande importance, car la chose la plus dangereuse et la plus grave contre laquelle Allah Azza wa Jal nous a mis en garde est le shirk. Et avant de mentionner certains exemples de polythéisme qu'on peut retrouver dans notre société et plus particulièrement dans la région du Noun, nous allons tout d'abord définir qu'est-ce que le shirk, car nous entendons souvent ceci est du shirk, le shirk est interdit, le shirk est le plus grave des péchés. Mais il est bon de savoir qu'est-ce que le shirk pour pouvoir s'en écarter. Il faut savoir que les savants de l'islam ont défini le shirk comme étant taswiyatu ghayrillahi billah fi ma huwa min khasa'isillah, c'est-à-dire donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Je répète, donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Et quelqu'un pourrait se poser la question suivante: y a-t-il une preuve concernant cette définition dans notre religion? Y a-t-il une preuve que le shirk, c'est donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre? La réponse est na'am, la réponse est oui. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset? Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset de sourate Shu'ara que les kuffars, lorsqu'ils seront en enfer, ils diront: par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Donc là, on voit que le shirk, c'est-à-dire que le shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi? Dans ce qui lui est propre. Et le shirk, c'est le péché le plus grave. Il n'y a pas plus grave que le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: ayyu dhanbin a'zam, quel est le péché et le plus grave? Ayyu dhanbin a'zam indallah, quel est le péché le plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, c'est que tu donnes un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il t'a créé. Et le shirk, comme nous l'avons mentionné, c'est le péché le plus grave. Et celui qui meurt sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis. C'est-à-dire qu'il ne rentrera jamais au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit: innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, point de secoureur. Également le shirk est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. C'est-à-dire que si la personne meurt en ayant fait du shirk et ne s'est pas repenti de ce shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Par contre, si il a commis un grand péché ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Quant au shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Et c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Également, le shirk annule toutes les œuvres du serviteur. Le shirk annule toutes les œuvres du serviteur. Imaginez-vous qu'une personne a jeûné, prié, donné la zakat, fait le hajj, a été bienfaisant envers ses parents, et à la fin de sa vie, elle fait du shirk. Ce shirk-là annule toutes ses œuvres. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, fi surat Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Également, le shirk est la plus grande des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Luqman: Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant: Oh mon fils, n'associe pas à Allah, certes le shirk est la plus grande des injustices. Également, le shirk est la chose la plus insensée. Le shirk, ikhwani fillah, est la chose la plus insensée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Hajj: Hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bih wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas samaa'. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: vouez un culte exclusif à Allah et ne lui associez rien, car celui qui associe à Allah est semblable à celui qui tombe du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. Donc là, on voit, mes frères, les méfaits du shirk. Et que le shirk, sans divergence, est la chose la plus grave. Et comme les Arabes ont l'habitude de dire: bil mithali yattadihu al-maqal, avec l'exemple, ce que tu dis devient plus clair. Pour que le shirk soit plus clair, nous allons mentionner certains exemples de shirk qui sont répandus dans notre société, et plus particulièrement dans le noun. Le premier exemple de shirk, c'est l'adoration des tombes. L'adoration des tombes. Par exemple, lorsqu'il y a un litige, certains vont se rendre au cimetière pour demander l'aide des morts. Et il n'y a pas de doute que ceci est interdit. Et il n'y a pas de doute également que ceci est du shirk. Car la demande d'aide est une adoration. Et l'adoration est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل وَعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et le mot شَيْئًا, rien, ça montre la généralité. C'est-à-dire que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit l'ange Jibril, que ce soit un arbre, un pieu, un saint, une idole, une pierre, le soleil, n'importe quoi, c'est général. Par conséquent, l'adoration est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie dans Ummul Qur'an, la mère du Qur'an, qui n'est autre que Surat al-Fatiha, que la demande d'aide est une adoration et qu'elle doit être vouée exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi que nous adorons seul et c'est toi dont nous implorons l'aide. Par conséquent, celui qui se rend au cimetière et qui demande l'aide des morts pour n'importe quelle raison a certes commis le plus grave des péchés. Comme bien même, il aura une bonne intention. Car souvent, ceux qui se rendent coupables de ce genre d'action, ils vont te dire, mais nous voulions le bien par cela. Nous lui disons que dans notre religion, il y a une règle essentielle. Et cette règle est que la fin ne justifie pas les moyens. Et dans le Coran, il y a de nombreuses preuves concernant cette règle. La première preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Zumar. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dans ce verset de sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que les polythéistes d'antan, ils ont pris des intermédiaires entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils leur ont voué l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que ces polythéistes avaient un bon objectif, un but noble et louable. Et ce but était qu'ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que le fait de se rapprocher d'Allah azza wa jal est un but louable. Et tout croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout croyant veut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et veut être parmi les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Mais pour arriver à ce but, ils ont associé Allah Azza wa Jal. Et ils n'ont pas utilisé des voies légiférées. Et donc, malgré qu'ils avaient un but louable et honorable, Allah subhanahu wa ta'ala les a considérés comme mécréants. Et ceci nous montre que la fin ne justifie pas les moyens. Également, nous avons une preuve dans la sunna qui nous indique que la fin ne justifie pas les moyens. Et cette preuve est le affar qui est rapporté par l'imam Ad-Darimi. Et dans ce affar, on retrouve l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu et de Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, il est rentré dans la mosquée, il a vu des gens donc assis en cercle et à la tête de chacun de ces cercles, il y avait une personne avec une pierre qui disait aux gens, dites 100 fois subhanallah, dites 100 fois la ilaha illallah et dites 100 fois Allahu Akbar. Lorsque Abu Musa al-Ash'ari a vu cette chose, il n'a pas parlé, il s'est plutôt rendu chez Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il lui a dit ce qu'il a vu dans la mosquée. Et plus tard, Abdullah ibn Mas'ud a vu ces groupes dans la mosquée et il les a blâmés fermement, car ils ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après que ces gens aient entendu le blâme de Abdullah ibn Mas'ud, ils lui ont dit: oh Abu Abdurrahman, nous voulions par cela que le bien. Et il répondit à cette phrase: et combien de gens veulent le bien mais ne l'atteignent pas. Et ceci nous montre que la fin ne justifie pas les moyens. Par conséquent, même si ceux qui demandent l'aide des tombes ont, selon eux, une excuse ou un bon objectif, ceci n'est pas accepté et ceci est considéré comme du shirk. Également, le deuxième exemple, demander la protection des morts avant de voyager, et plus particulièrement avant de voyager à la Mecque. Et ceci est très répandu. Plus particulièrement ici dans le Noun. On trouve que certains, lorsqu'ils veulent se rendre à la Mecque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont au cimetière. Et ils demandent aux morts la protection. Ils demandent la protection des morts, c'est-à-dire, ils demandent aux morts de les protéger à l'aller et au retour. Et il n'y a pas de doute que ceci est très grave. Et cela rentre dans le shirk. Car la demande de protection est une adoration. Et l'adoration est un droit exclusif à Allah Azza wa Jal. Par conséquent, celui qui voue une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commis du shirk. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Et ce point très important est venu dans un verset, ou on peut même dire dans plusieurs versets du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Jin: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Les savants ont tiré de ce verset que celui qui cherche la protection auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va l'éprouver par son contraire. Allah Azza wa Jal va l'éprouver par son contraire. C'est-à-dire que la personne qui va chercher protection auprès des tombes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va faire qu'augmenter sa détresse. Car il avait l'obligation de chercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la protection auprès des tombes. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala est juste, il va l'éprouver par le contraire de ce qu'il cherchait. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la protection, il cherchait l'apaisement, il cherchait la stabilité. Allah Azza wa Jal va l'éprouver par le contraire. Allah Azza wa Jal va l'éprouver par le contraire. Et je rappelle à tous que le musulman est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le croyant. Le croyant, son cœur est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il voue l'ensemble de ses adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux polythéistes, Eux, leur cœur est attaché aux créatures et à des choses qui sont faibles. Et Allah Azzawajal nous a clarifié cela dans le Coran. Par exemple, il nous a clarifié ça dans les versets qui parlent de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, du fait que le peuple du prophète Ibrahim alayhi salam adorait les statues, alors que ces statues-là ne peuvent pas se défendre. Alors comment peut-on leur demander la guérison et autres? Regardez ces tombes. Si quelqu'un vient uriner sur la tombe, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il ne peut rien faire. La personne qui est dans la tombe est sûrement morte, malade. Et toi, tu vas lui demander la guérison. Comment est-ce possible? Cette personne est morte, malade. Et toi, tu vas lui demander la guérison. Comment est-ce possible? Pourquoi les gens ne raisonnent pas? Cette personne est morte malade. Toi, tu lui demandes la guérison. Cette personne a besoin d'invocation. Et certaines personnes l'invoquent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'elle a besoin d'invocation. Elle a besoin que les musulmans invoquent et implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Regardez ce qu'Allah azawajal nous dit dans Sourate Hud. Nous avons dit précédemment que les mushrikines, les polythéistes, s'attachent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'attachent à des créatures faibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié cela dans Sourate Hud, dans l'histoire du prophète Nuh alayhi salam, et dans la dernière discussion que le prophète Nuh alayhi salam a eue avec son fils. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunay irkam ma'ana wa la takum ma'al kafiri. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Nuh alayhi salam a appelé son fils et lui a dit: monte avec nous sur l'arche, car ils étaient sous la protection d'Allah azawajal. Il lui a dit: irkab ma'ana, car il avait de la miséricorde pour son fils, monte avec nous et sois toi aussi sous la protection d'Allah azawajal. Qu'est-ce que son fils a répondu? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Son fils lui a dit, il lui dit: je vais me réfugier auprès d'une montagne, elle va me protéger de l'eau. Nuh alayhi salam lui dit: viens avec nous sous la protection et sois sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaché à une créature faible. Et regardez ce que Nuh alayhi salam lui a dit. Qala la asim al-yawma min amrillah. Rien ne te protégera de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahim wa hala baynahuma al-mawj wa kana min al-mughraqin. Par conséquent, on doit avoir cette aqida, cette croyance. C'est-à-dire que notre cœur soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on invoque Allah azza wa jalla. Pourquoi on invoque Allah? Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous ordonne de l'invoquer. Et également, car on invoque celui qui nous a créé, celui qui nous donne la subsistance, celui qui fait descendre la pluie, celui qui administre tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à faire tout ça. C'est le seul à créer. C'est le seul à nous donner la subsistance. C'est le seul à faire descendre la pluie. C'est le seul à tout administrer. Azza wa jalla. C'est pour ça qu'il est le seul à mériter l'adoration. Également parmi les exemples qu'on peut mentionner, certains ont la croyance que le mort peut leur nuire. Alors qu'en vérité, le mort ne peut pas te nuire. Quand bien même il était pieux de son vivant, il ne peut pas te nuire. Et il n'y a pas de doute que la personne qui pense que le mort peut le nuire a certes un problème dans sa croyance. Le mort ne peut pas te nuire. Les vivants peuvent être profitables pour le mort. Comment ? En invoquant en sa faveur. Mais le mort ne peut pas te nuire, Yahri. Ya Urtil Karima. Le mort ne peut pas te nuire, Abadan. Le mort a besoin d'invocation, mais il ne peut pas te nuire. Par conséquent, il ne faut pas avoir peur des morts, mais il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ayez peur de moi. فلا تخافوهم وخافوني. N'ayez pas peur d'eux. Mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Allah Azza wa Jal nous ordonne de ne pas avoir peur d'eux. De ne pas avoir peur des morts, mais de plutôt avoir peur de lui, Azza wa Jal. Malheureusement, certains ont la conviction que l'on peut mourir avant son temps. Certains ont cette conviction. Vous connaissez tous un principe qui est répandu au Cameroun et dans certains pays. Certains vont rentrer dans certaines organisations et bien sûr ils vont rentrer dans ces organisations avec une contrepartie. Ils vont rentrer dans ces organisations avec une contrepartie. On va leur dire, voilà, il faut ramener par exemple un coq ou bien un poulet ou autre qu'ils vont égorger. Bien sûr, quand ils vont l'égorger, ils vont l'égorger pour les djinns et les shayatins, et ils vont faire certains sacrifices de ce genre qui sont bien connus dans ce genre d'organisation, et ils vont avoir beaucoup d'argent. Ils vont avoir beaucoup d'argent, vraiment de grosses sommes d'argent. Et d'après cette organisation, on va leur dire, par contre, tu vas mourir avant le temps. Par contre, tu vas mourir avant le temps. Et la personne qui a fait ce sacrifice va avoir la conviction qu'elle va mourir avant le temps. Wallahi ya ikhwa, je jure par Allah Azza wa Jal que aucune personne ne peut mourir avant le temps. Et nous jurons par Allah Azza wa Jal, et nous avons cette certitude car c'est dans le Coran. Car c'est dans le Coran. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Allah Azza wa Jal nous dit: "Wa li kulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que chaque communauté a son terme. Et lorsque leur terme vient, ils ne peuvent pas l'avancer ni le retarder. Ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne est dans le ventre de sa mère, Allah Azza wa Jal envoie un ange pour écrire quatre choses. Parmi ces quatre choses, il y a la durée de vie de cette personne sur terre. Les ulama ont dit, ce que cet ange a écrit, ne pourra pas être avancé et il ne pourra pas être retardé. Ça, c'est la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la parole du Sadiq al-Masdour. Si Allah azza wa jalla, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu mourras à 50 ans, tu mourras à 50 ans. Ça, c'est une chose qui est claire. Par conséquent, le musulman ne doit pas avoir la conviction qu'il peut mourir avant le temps. Non. C'est pour ça qu'il doit avoir peur d'Allah Azza wa Jalla. Il ne doit pas avoir peur des créatures. Aucun mal ne te touchera si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété ce mal-là pour toi. Et aucun bien ne t'atteindra si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décrété pour toi. Ça, c'est la croyance islamique. Ça, c'est la croyance tirée du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la croyance que nous devons apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cette croyance à Abdullah ibn Abbas lorsqu'il était un jeune garçon. C'est pour cela que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya ulam inni u'allimuka kalimat »« Ô jeune homme, je vais t'apprendre quelques mots. » Également, nous avons dit précédemment qu'aucun mal ne peut toucher la personne si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décrété. Et nous rajoutons que si un mal te touche, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever ce mal et également peut écarter ce mal de toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah azza wa jalla dit et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Également parmi les exemples de polythéisme répandus dans notre société, il y a le fait de fréquenter les charlatans et les sorciers, dans le but qu'ils nous donnent ou nous confectionnent des amulettes. Et si je ne me trompe pas, en Bamoun, les amulettes, on dit comment ? Lundi, c'est ça ? Lundi, aïe, wa. Même si je ne suis pas Bamoun, j'ai quelques mots comme ça. Hein ? Ou on va dire, dans certaines régions, on dit le blindage. C'est ça ? Aïe, wa. Arsento. Enfin, certains, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller chez les sorciers et les charlatans. Dans quel but ? Dans le but qu'ils leur confectionnent des amulettes qu'ils vont soit porter autour du cou ou bien autour de la taille ou bien au niveau des poignets ou bien au niveau des pieds. Et les amulettes sont une forme de polythéisme comme l'a mentionné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed et Abu Daoud rapportent d'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les amulettes sont une forme de polythéisme. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te faciliter. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever le mal. Et ça, c'est la croyance qu'on doit avoir. Tu vas chez un sorcier, pourquoi ? Tu penses que le sorcier connaît l'invisible ? Ya ikhwa, avant de mentionner des preuves du Coran qui indiquent que les sorciers et les charlatans ne connaissent pas l'invisible. Yani bil'aql, juste en raisonnant un peu. Est-ce que les sorciers sont millionnaires ? Ils ne sont pas millionnaires. Taïb, si quelqu'un connaît l'invisible, si quelqu'un connaît l'invisible, ça veut dire, il sait par exemple que s'il y a 1 million de francs CFA qui est dans une maison, il sait que les 1 million sont là-bas. Donc qu'est-ce qu'il fait vu qu'il connaît l'invisible? Il va et prend ses 1 million, tout simplement. Mais le fait qu'il soit pauvre, tu vas chez le sorcier, il est pauvre. Tu vas même chez lui, c'est sale, il sent mauvais. S'il connaissait vraiment l'invisible, il aura des millions. Il aura des millions, il aurait, par exemple, une voiture luxueuse, il aurait plusieurs appartements. Est-ce que vous pensez qu'il vivrait au Cameroun encore? Il vivra à Dubaï, aux États-Unis, au Qatar, ou autre, dans des pays riches. Tu le vois parfois, il est au Cameroun. Et tu le vois même dans des quartiers, yani subhanallah, tu le vois même dans des bidonvilles. Pourquoi les gens ne raisonnent-ils pas? Mais malheureusement, certains musulmans sont trompés par certaines informations que le sorcier peut donner. Par exemple, il est possible que tu ailles chez un sorcier et tu toques chez lui. Te dis salam alaikum, entre Mohammed. Et toi tu t'appelles Mohammed, tu dis, subhanallah, comment il sait que je m'appelle Mohammed? Entre Mohammed, entre, assieds-toi, tu t'assois. Ta mère s'appelle Fatima. Il te dit, ça va, Fatima va bien? Tu dis, subhanallah, comment est-ce possible qu'il a la connaissance que ma mère s'appelle Fatima? Également, il peut te dire, alors ton travail, comment ça va? La maçonnerie, ça se passe bien? Alors que tu es maçon, toi, tu te dis, subhanallah, comment sait-il que je suis maçon? Ça ne veut pas dire qu'il connaît l'invisible, mais plutôt, c'est les shayatines qui lui donnent ces informations. Les shayatines vont lui donner ces informations. Car les shayatines sont avec toi, toi tu ne les vois pas. Tu peux être dans une discussion, par exemple, et tu dis dans une discussion que ta mère s'appelle Fatima. Par exemple, le djinn qui est là va entendre que ta mère s'appelle Fatima, lui il va dire ça au sorcier. Donc le sorcier va savoir que ta mère s'appelle Fatima. Également, quelqu'un va t'appeler dans la rue, oh Mohammed. Le djinn va savoir que tu t'appelles Mohammed. Il va dire ça au sorcier. Mais il ne connaît pas l'invisible. Abadan. Pourquoi il ne connaît pas l'invisible? Car c'est Allah qui a dit. Car c'est Allah Azzawajal qui nous a dit qu'il est le seul à connaître l'invisible. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il dit Azzawajal, wa indahu mafatihul ghayb la ya'lamuha illa hu. Allah Azzawajal dit, il détient les clés de l'invisible que lui seul connaît. Quelqu'un peut se dire, qu'est-ce que c'est les clés de l'invisible? Allah Azzawajal nous a clarifié cela dans Sourate Luqman. Et il a mentionné que les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah seul détient la connaissance de l'heure, et lui seul fait tomber la pluie bienfaisante, et sait ce qui est dans les matrices. Nul ne sait ce qu'il acquerra demain, et nul ne sait où il mourra. Allah est omniscient et il connaît parfaitement toutes choses. Donc Allah Azzawajal nous détaille qu'il est le seul à connaître l'invisible. Donc on voit ici que ces charlatans ne connaissent pas l'invisible. Mais malheureusement, les gens se font tromper. Les gens se font tromper. Et sachez que le marabout, le charlatan, le sorcier, le devin, ils ont beaucoup d'appellations. Ce qu'il veut de toi est que tu sortes de l'islam. Il ne va pas t'aider. Il ne va t'aider qu'après que tu sois sorti de l'islam. Beaucoup d'entre eux vont te dire, surtout ceux qui sont musulmans, Ils vont te dire, moi je t'aide fils Abilillah. Il va te dire, moi je t'aide fils Abilillah. Peut-être il va te dire, la nuridu minkum jaza'an wala wala shukura. Il va te dire le verset dans Sourate Al-Insan, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons pas de vous de rétribution et également de remerciement. Il va te dire, je t'aide fils Abilillah. Toi tu vas être trompé, tu vas aller le voir. Ensuite après, il va te dire, il faut que tu sacrifies tel animal. Ça peut être un mouton, ça peut être une chèvre, ça peut être un coq, ça peut être un bouc. L'important, c'est que tu fasses couler le sang. Et bien sûr, il veut l'argent. Donc il va te dire, voilà, fais-moi un transfert. Il va te dire, voilà mon Orange Money par exemple, fais-moi par exemple un dépôt de temps en temps. Et à partir du moment où tu sacrifies pour qui? Tu sacrifies pour les chiatines. Tu fais couler le sang pour les chiatines. Et sacrifier pour autre qu'Allah du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la shirka. » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-An'am, dit, « Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. » Et donc, une fois que tu as commis un acte de polythéisme, à ce moment-là, il va t'aider. À ce moment-là, il va t'aider. Et donc, il ne faut pas, barakallahu fikoum, se faire tromper par ce genre de personnes. Car le sorcier, premièrement, est mécréant. Le sorcier est mécréant. Il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Et il y a des preuves à cela dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Et celui qui n'a aucune part dans l'au-delà n'est autre qu'un mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit même que l'apprentissage de la sorcellerie et de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Donc il faut faire très attention. Et il ne faut pas fréquenter ces personnes-là. Il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter à tout prix. Également, nous allons mentionner quelque chose qui est très répandu dans notre société et plus particulièrement dans le noun. C'est une chose qui est interdite et en plus de cela, c'est une voie qui mène au shirk. Et cette chose n'est autre qu'enterrer les morts chez eux. Le mort ne doit pas être enterré chez lui. Il doit être enterré dans un cimetière. Il ne doit pas être enterré chez lui. Et quelqu'un pourrait se dire, Taïb ya Oustav, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la chambre de Aïcha, radiallahu anha. Donc pourquoi ce n'est pas possible que la personne se fasse enterrer chez elle? Les savants ont répondu à cela que ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux autres, ils doivent être enterrés au cimetière. Et il y a des preuves qui nous indiquent que la personne ne doit pas être enterrée chez elle. Et ces preuves-là nous montrent l'interdiction concernant cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Les savants nous disent que cette phrase englobe deux sens. Le premier sens est de ne pas se faire enterrer à la maison et de se faire enterrer au cimetière. Le deuxième sens qu'englobe cette parole est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans nos maisons, c'est-à-dire d'accomplir des bonnes actions dans nos maisons. Car le cimetière n'est pas un endroit où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un endroit où on va prier. Ce n'est pas un endroit où nous allons accomplir les prières surérogatoires et autres. Par conséquent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas faire de nos maisons des cimetières, c'est-à-dire ne délaissez pas la prière dans vos maisons, mais plutôt priez dans vos maisons. Et ici, ce qui est voulu, c'est bien sûr les prières surérogatoires. Donc là, on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, d'accord, d'enterrer la personne chez elle. En sachant que, comme nous l'avons mentionné précédemment, ceci est une passerelle et une voie qui mène au shirk. Car comme vous le savez, et je ne vous apprends rien, en général, les gens vont réserver une pièce dans la maison, vont réserver une pièce où on va enterrer le défunt. On va enterrer le défunt. Et parfois, qu'est-ce que les habitants de cette maison vont faire? Ils vont aller dans cette pièce et ils vont se recueillir. Et parfois, ils vont même l'invoquer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr que dans certaines tribus, ils vont faire certains rituels. Ils vont déterrer la tête du défunt et ils vont faire certains rituels. Et il n'y a pas de doute que ceci rentre dans les choses qui sont blâmables. Et donc vous voyez, le fait d'enterrer les gens chez eux, cela a mené certaines personnes à adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, j'aimerais parler d'une pratique qui est en recrudescence. Et cette pratique est le captage de djinn. Tout d'abord, il faut savoir que beaucoup de gens qui pratiquent la ruqya sont des charlatans. Illa min rahmatullah. À part ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Ce sont des charlatans. Ils vont utiliser tout type de procédés pour soutirer de l'argent aux musulmans. Ils vont te dire un tel capte les djinns. Alors qu'en vérité, la ruqya ya ikhwa, il suffit juste de réciter le Coran sur la personne. Tu récites le Coran sur la personne. C'est ça la ruqya. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils pratiquaient la ruqya, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récitaient le Coran sur le malade, c'est tout. Quant au fait de faire du captage de djinn, ou bien frapper le malade, ou bien parler avec le djinn et lui demander certaines informations, ceci n'est pas légiféré. L'éminent savant Cheikh Salih Al-Fawzan, dans une de ses fatwas, dit que si tu fais ruqya à une personne et que le djinn se met à parler, si tu dois lui parler, c'est pour lui faire la da'wa. Quant à lui demander, vous êtes combien dans le corps? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es juif? Etc, etc, ceci n'est pas légiféré. Et sache que les shayatins ont pour habitude de mentir. Si tu parles avec lui, tu dois lui faire la da'wa. Et tu dois l'appeler à se convertir à l'islam, à sortir de ce corps. Quant à Mava, lui parler, lui demander des informations, ceci n'est pas légiféré. Donc voici quelques exemples. Il y a beaucoup plus d'exemples, mais nous espérons que ce que nous avons entendu lors de cette intervention soit profitable et bénéfique. Et je finirai par dire que la véritable science et la science profitable, c'est lorsqu'elle est mise en pratique. Si tu as pris part à cette intervention et que tu ne savais pas que telle ou telle chose faisait partie du polythéisme, et donc maintenant que tu as la connaissance de cela, alors tu es dans l'obligation d'agir en conséquence. Et prenez garde au shirk. Celui qui meurt sur le shirk ne rentrera jamais au paradis. Il sera dans le feu éternellement. Il sera dans le feu éternellement. Imaginez-vous. Est-ce que si on te dit, tu vas rester juste 30 minutes dans un feu, est-ce que tu peux patienter? Tu ne pourras pas patienter. Alors que dire du feu de l'enfer? Que dire du feu de l'enfer? Tu ne pourras pas sortir. Le feu de cette dunya à la rigueur, d'accord, si quelque chose te brûle, tu retires ta main. Mais dans fil akhira, celui qui meurt sur le shirk ne pourra pas sortir du feu. Il voudra sortir du feu. Il va même demander à sortir du feu. Mais ce ne sera pas possible pour lui. قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Ils appelleront Malik, l'ange de l'enfer, et lui diront que ton Seigneur nous achève. C'est-à-dire, ils veulent être achevé, car ce qu'ils vivent en enfer est trop douloureux. Et Malik dira, innakum makithun, vous allez rester. Votre demeure est permanente et éternelle. Et regardez ce qu'il leur sera dit par la suite. Laqad jinnakum bilhaq, nous sommes venus à vous avec la vérité. Et la plus grande vérité, c'est le tawhid. La plus grande vérité, c'est le tawhid. Nous sommes venus à vous avec la vérité, le tawhid. Des gens sont venus à vous pour vous clarifier le tawhid et pour vous mettre en garde contre le shirk. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Allah subhanahu wa ta'ala, ولكن أكثركم للحق كارهون. Mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Donc il faut s'accrocher à cette croyance authentique. Et pour pouvoir s'accrocher à quelque chose, il faut connaître cette chose. Ainsi, il faut apprendre cette religion, et plus particulièrement le tawhid. Il faut apprendre qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que le shirk, pour pouvoir s'en préserver. Les catégories de tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma al-sifat, le tawhid dans l'adoration, tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans les noms et attributs, qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme, les catégories de polythéisme, le polythéisme mineur, le polythéisme majeur, également les voies qui mènent au polythéisme, pour pouvoir s'en écarter et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur le tawhid. Wallahu al-musta'an wa alayhi al-tuklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.